De faire cette entrevue-là parce que ça fait longtemps qu'on se connaît, on vient de la même petite paroisse, Saint-Augustin, mais on l'a vu grandir, je l'ai vu grandir en faisant de la course et elle a gagné en fin de semaine le championnat du côté féminin de l'Autocar Genois. Je parle évidemment de Marie-Claude Brassard qui a gagné pour la première fois le marathon qui a lieu à Chicoutimi. Question de savoir davantage comment elle se sent. On lui parle. Salut Marie-Claude! Marie-Claude, ça a été pour la première fois, tu as gagné le marathon de la zone portuaire. Quel effet que ça fait de gagner un marathon? Bien, c'est certain que j'étais très contente. Jamais pendant la course, ça n'a jamais été mon objectif là, pendant cette course-là, parce que je la faisais vraiment avec un temps en tête. Puis, j'étais concentrée là-dessus, puis c'est tout ce qui m'occupait là, dans ma tête pendant la durée du marathon, parce que... vers la fin de l'avant-dernier tour, donc on faisait 6 boucles de 7,33 kilomètres, je crois. Puis, vers la fin de la cinquième boucle, là, j'ai commencé à voir que... Même si moi j'avais ralenti, là, les garçons en avant de moi avaient plus ralenti. Donc c'est au dernier tour là vraiment que j'ai pris les devants. Puis là j'ai terminé première. Là, mais jamais pendant la course j'ai été première. Ok. Est-ce que en fait l'objectif c'est quoi? C'était de amasser plus de points pour gagner le championnat? Ben c'est sûr que je voulais faire une bonne course. Pour amasser des points. Je voulais faire un marathon aussi cet automne parce que je suis inscrite à Boston, donc je voulais prendre une expérience supplémentaire avant de faire le marathon de Boston. Okay. Puis c'est aussi, j'aime vraiment cette distance-là. J'aime même m'entraîner pour un marathon. Je trouve ça agréable. Donc j'avais dans la tête d'en faire un à la fin de l'automne. Okay. Puis, finalement, ça a été celui de la zone portuaire. Okay. Mais pour atteindre le marathon de Boston, c'est pas n'importe qui doit aller au marathon de Boston. Il faut que tu accumules des temps, il faut que tu accumules des points. Comment ça marche, en fait? Pour se qualifier pour le marathon de Boston, il faut faire un marathon là, qui est accrédité pour ça. Donc, je pourrais pas me qualifier avec le temps que j'ai fait en fin de semaine là, parce que c'est pas un marathon qui compte là, dans les qualifications pour Boston. Puis là, selon ta catégorie d'âge, ils ont un temps à réussir pour pouvoir s'inscrire. Okay. Donc, moi, je l'avais fait ce temps-là l'année passée. OK. Marie-Claude, c'est la première année, je pense que de mémoire, là, parce que je couvre les courses, j'en parle dans mon bulletin de sport local, mais c'est la première année que tu fais du 42 km puis que tu es performante d'un 42 km. Mais l'année passée, j'ai fait mon premier marathon au début novembre à Hamilton, en Ontario. Okay. Puis, c'était la deuxième fois. OK. C'était la deuxième fois en fin de semaine, la première fois dans la région, par exemple. J'avais jamais fait de marathon dans la région. C'est quoi la différence? Parce qu'on parle du fameux mur, du mur psychologique. Moi, j'ai fait des 21 km. Mais est-ce que toi, tu l'as atteint, ce fameux mur-là qu'on parle, que tous les athlètes parlent, en fait? Ben moi, là, j'ai seulement deux marathons là, de 5. Sauf que non, j'ai jamais eu l'impression de me rendre à ce mur-là. C'est sûr que j'ai fait des marathons d'automne, donc la température est plus fraîche, c'est moins difficile de bien s'hydrater, de bien s'alimenter peut-être. Mais non, ça m'est jamais arrivé. Ce qui m'arrive, par exemple, là, vers le 30-35e kilomètre, c'est que je sens que mes cuisses sont plus fatiguées. Okay. Que mes jambes sont un petit peu plus lourdes. Puis à ce moment-là, là, en fin de semaine, j'ai eu besoin de ralentir un petit peu là, pour justement éviter là, de casser vraiment là, dans les derniers kilomètres du marathon. OK. Si on parlait maintenant de ta saison, tu as remporté le championnat, ça y va avec des points. Est-ce que la compétition t'est plus relevée que l'an dernier? Je dirais semblable l'année passée. C'est sûr qu'il y avait Nadia Bolduc qui était très, très forte. Okay. Cette année, il y avait Linda Gingras qui était très forte aussi, là, de Chicoutimi. Ça a été serré jusqu'à la dernière course entre moi et Linda. Okay. Puis là, il y a peut-être une question de stratégie là, pour okay. les partager, là, moi, en faisant le marathon, c'est sûr que c'est ce qui m'a permis de l'entraîner. OK, OK. Si on parlait de ton entraînement, c'est quoi un entraînement pour Marie-Claude Brassard? C'est combien? Parce que là, il y a les courses qu'on voit bien, mais il y a l'entraînement aussi que chaque athlète doit travailler, doit faire. Est-ce que tu t'entraînes beaucoup? Est-ce que tu cours beaucoup? C'est sûr que je cours 6 fois par semaine. Mais pour en termes d'heures, ouais, c'est vraiment variable selon les périodes de l'année. Pour le marathon, je dirais, on a toujours une sortie longue. Moi, je fais le samedi, qui dure peut-être 2h45. Sinon, les 5 autres entraînements de la semaine, c'est des entraînements qui vont se situer autour de 1h, 1h15. Là, donc, on peut dire un 8h, là, 8h d'entraînement peut-être là dans les semaines où je m'entraîne pour un marathon. Mais il y a une partie de l'année que je m'entraîne pour du triathlon, tout ça. Puis là, ça demande encore plus de temps. Là. Donc, non, ça ressemble à ça, mais je cours toujours 6 fois par semaine. C'est certain qu'en hiver, c'est moins long, c'est moins difficile aussi, c'est moins intense. Hey Marie, parce que tu as été longtemps, tu as arrêté quelques années pour faire ta famille, puis tu as recommencé. Est-ce que tu as trouvé ça dur? Non, j'ai pas trouvé ça dur, ça m'a fait du bien. J'avais quand même toujours aimé là, me tenir en forme, marcher. Puis, à un moment, j'avais besoin de faire quelque chose, puis de bouger plus. Là. Donc, non, j'ai pas trouvé ça dur. J'ai trouvé que ça s'est intégré là, tranquillement dans ma vie de famille. Puis maintenant, je te dirais que ça se fait assez naturellement. OK. Tu as commencé l'Ironman aussi? J'en ai fait un, en juin, l'année passée. J'ai fait un demi-heure. OK. Comment t'as trouvé ça? À tremblant. Ouais. J'ai trouvé ça plaisant. J'ai trouvé ça plus difficile qu'un marathon. C'est sûr. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile? La course à pied, le vélo, la natation? C'est quoi le plus difficile pour un Ironman, pour toi, là? Moi, je suis ma bête noire, si tu veux, c'est la natation. Okay. En vélo, je dirais que je suis moyenne. La course à pied, c'est ma force. Mais pourtant, quand j'ai fait mon demi-Ironman à Tremblant, ce que j'ai trouvé le plus difficile, ça a été la portion de course à pied qui arrive en dernier. Ça faisait très chaud. J'étais vraiment fatiguée. Donc, bizarrement, même si c'est ma force, c'est la course à pied que j'ai trouvé le plus difficile là, dans mon demi-Ironman. OK. Le marathon de Boston, on a parlé en début d'entrevue. C'était au mois d'avril. Donc, j'imagine que c'était un rêve. C'est un rêve de tout marathonien de s'en aller au marathon de Boston. C'est quoi ton objectif? Parce que j'imagine que tu vas t'entraîner tout l'hiver pour ça. Oui, ben, mon objectif, là, je peux pas te dire. C'est sûr qu'éventuellement, j'aimerais ça faire un marathon en bas de 3 heures. Okay. Mais là, à Boston, ça va être possible. Comment ça va aller les entraînements pendant l'hiver? Je vais voir, là. Souvent, j'ai un objectif de temps, mais on l'ajuste aussi, là, en fonction. Plus on se rapproche de l'événement, puis on ajuste un petit peu, là, notre objectif en fonction de comment l'entraînement est allé, puis comment ça va en général aussi. OK. Ton entraînement, ça va être quoi cet hiver? Tu vas baisser un petit peu, j'imagine. Là c'était la dernière course de l'année. J'imagine que tu vas t'accorder un petit peu de congé à ton corps pour mieux récupérer. Oui, c'est sûr que c'est en novembre. Là, présentement, cette semaine, je vais peut-être jogger un peu. Puis après ça, j'ai quelques semaines de repos. Puis au début de l'hiver, je continue de m'entraîner, là, mais c'est moins structuré. C'est un peu selon la température, selon l'horaire de mes journées. Puis on recommence vraiment plus sérieusement, normalement, là, milieu janvier. OK. Parle-moi de ton garçon, parce qu'il va bien aussi, je pense, ton garçon à course à pied, hein? Il a connu une bonne année aussi? Oui, mon garçon, Étienne, qui a 10 ans, a fait une belle saison de course à pied aussi. Lui, il a remporté le championnat des jeunes au niveau du 1,5 km. Puis, comme moi, il s'entraîne avec Jocelyne Gagné. Et puis, ça fait plusieurs années qu'Étienne me suit sur le circuit régional, mais c'est vraiment la première année là qu'il aime ça à ce point-là. Les autres années, il venait faire les courses, participer, mais sans s'entraîner. Cette année, il s'est entraîné, puis ça a bien été, puis il s'est aussi qualifié pour le championnat provincial de Ah, OK. De quoi? Dans la... en deux semaines. Okay, il y a quoi, il y a 11 ans. Donc, c'est sûr qu'à 11 ans, c'est sûr que c'est plus... il est l'âge pour commencer à aimer ça. Ben Marie-Claude, un gros, gros merci. C'est fort agréable. Ça fait longtemps que je vais te parler pour parler un peu de la course à pied. Puis félicitations pour être la première femme à avoir remporté le marathon de la zone portuaire. Merci. Voilà, Marie-Claude Brassard de Saint-Augustin.